Album, au pluriel. On m'a dit la vie au Far West et les prairies, et mon sang a gémi, que voilà ma patrie. Déclassé du vieux monde, être sans foi ni loi, desperado, là-bas, là-bas, je serai roi. Oh, là-bas, m'y scalper de mon cerveau d'Europe, piaffer, redevenir une vierge antilope, sans littérature, un gars de proie, citoyen du hasard, et sifflant l'argot californien. Un colon vague et pur, éleveur, architecte, chasseur, pêcheur, joueur, au-dessus des pandectes, entre la mer et les états mormons, des venaisons et du whisky, vêtu de cuir et le gazon des prairies pour lit, et des ciels des premiers âges, riches comme des corbeilles de mariage. Et puis quoi? De bivouac en bivouac, et la loi de lynch, et aujourd'hui, des diamants bruts aux doigts, et ce soir, nuit de jeu, et demain, la refuite par la prairie et vers la folie des pépites. Et, devenu vieux, la ferme au soleil levant, une vache laitière et des petits-enfants. Et comme je dessine au besoin, à l'entrée je mettrai « Tatoueur des bras de la contrée ». Et voilà. Et puis, si mon grand cœur de Paris me revenait, chantant « Oh, pas encore guéri !» et ta postérité, pas pour longtemps coureuse. Et si ton vol, condor des montagnes rocheuses, me montrait l'infini, ennemi du confort, eh bien, j'inventerais un culte d'âge d'or, un code social, empirique et mystique, pour des peuples pasteurs, modernes et védiques. Oh, qu'ils sont beaux les feux de paille, qu'ils sont fous les albums, et non incassables mes joujoux.